Ave Maria en jean ou cravate ou bien en militaire, son nom c'est Jésus Révolution. Jésus, Jésus. Ou non, jeune ou vieux, mais son nom c'est Jésus Révolution. Il mange quand il a le temps et il dort souvent ou pas souvent. Rappelez-vous son nom c'est Jésus Révolution. Jésus, Jésus, Jésus. Du bon, c'est Jésus Révolution. C'est vous, ou bien c'est moi, je ne sais rien. Et vous ne savez pas, mais c'est ça qui est bon. C'est Jésus Révolution.